Eric. Ndoko Dodo, pasteur à Makutano ya Dilolo, Jo Atanza Makutano maubiri leo. Les frères Dodo, les pasteurs de l'assemblée de Dilolo. Et si Mungu mufura kumpokelea na kumsalimia mujina Bwana Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse approcher. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Lorsque nous avons quitté Dilolo, des frères et des sœurs de Dilolo, en route à Divuma et à Kasaj, et partout où nous sommes passés, les frères vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre pasteur, le Frengoi, d'avoir accepté de nous céder la chair, pour la confiance qu'il a mise à nous, la considération, ainsi que la considération. Mungu, que Dieu les bénisse richement. Bariki na collaborateurs qu'il bénisse également tous les collaborateurs avec qui il travaille. Les anciens, les diacres, les administrateurs. Tous ceux-là qui servent dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Pour la prière. Sacrifice. Pour les sacrifices. Pour tous les sacrifices, pour que cette œuvre puisse être manifeste. Mungu, ami bariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Sans tarder, levez-nous pour honorer la parole de Dieu. D'abord, nous allons prier. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mara ingine Bwana tunakuwa muwepo wako. Encore une fois Seigneur, nous venons dans ta présence. Mbingu na dunia itapita, lakini masauti yako itapita kamwe. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Si tunaamini kusema pasipo wewe hatuteza neno hata moja. Nous croyons que sans toi on ne peut rien. Ndio kwa maana mangaribi ya siku ya leo. C'est pourquoi ce soir, banduku badada banacha manyumba, des frères et des sœurs ont laissé leur maison, makazi ya kwachana, ils ont laissé leurs différentes activités. Tunafika pahali hapa, nous sommes venus ici. Atufate mutu fulani, nous n'avons pas suivi quelqu'un. Tunafata we mumbaji wa mbingu na dunia, mais nous t'avons suivi toi, le créateur du ciel et de la terre. Saidia kila nduku, kila dada, aide chaque frère et chaque sœur. Banahitaji kuzarika kipya, bazarike kipya. Ceux qui veulent naître de nouveau, qui puissent naître de nouveau. Wanahitaji maisha utakaso, batakase. Ceux qui ont besoin d'une vie sanctifiée, puissent les sanctifier. Wanahitaji ubatizo ya Roho Mtakatifu, ubabatize Bwana. Ceux qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, puissent les faire, Seigneur. Baringia bagonjwa, watoke wenye kupata matunzo, katika jina la Yesu Kristo. Ceux qui sont entrés malades, qui puissent recevoir la guérison au nom du Seigneur Jésus Christ. Ulisema wakati ya mwisho, hakuna mtu atafundisha mtu na mwenzake. Tu as dit au temps de la fin, personne n'enseignera son voisin, son prochain. Lakini roho yako, itafundisha taifa yako. Mais c'est seulement ton esprit qui enseignera ton peuple. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. C'est au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunalomba na kusema vile. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tashimama na kitabu ya Jude. Nous allons lire dans Jude. Tasoma verset 3. Mustari ya tatu. Jude. Jude. C'est un livre qui a un seul chapitre. Ni kitabu ki kuna sura moja tu. Et nous commençons à son verset 3. Tanzia mustari ya tatu. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Wapendwa, paka vile naritamani sana kumiandikia kwa ajili ya wokovu yetu sisi wote pamoja. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nalazimisha nifanye jua kusubutisha jua kukombana kwa ajili ya imani yetu ile iletwa kwa watakatifu mara moja tu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Si c'est la volonté du Seigneur. Kama ni mapenzi ya Bwana. Aujourd'hui nous débutons un sujet intitulé combattre ardemment. Leo tutanza shina ya mahubiri yenye kusema kupika vita kwa nguvu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait plus ou moins 56 ans les messages proclamés déjà dans le monde. Wapendwa, kuna kwa kadiri miaka 56 ujumbe inatangaziwa ulimwengu mzima. Et quand nous passons, nous apportons seulement ce qui a été déjà annoncé. Wakati ile tukunapita, tukunaleta tu ile walitangulia kutangaza. C'est-à-dire l'église se prépare déjà. Manake kanisa imesha kuanza kujitayarisha. Amen. Amina. Nous répétons tout ce que vous avez déjà écouté. Et parfois nous venons aussi consoler. Parce que le peuple de Dieu doit être consolé par la parole de Dieu. Nous, ce qui nous console, c'est la parole. Dans le monde, il n'y a rien qui peut nous consoler. Ni la boisson ne peut pas nous consoler. Ni la cigarette ne peut pas nous consoler. La mondanité ne peut pas nous consoler. Tout enfant de Dieu est consolé par la parole de Dieu. Et nous passons aussi pour témoigner. Et ce que vous avez écouté dès le commencement, c'est la vérité. Persévérer dans le Seigneur, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Faut pas abandonner la parole. Musiache kamwe neno la Mungu. Confiez-vous toujours à la parole. Mwendele kutumainia neno la Mungu. Parce que cette parole ici, kwani neno la Mungu, pour nous, c'est tout pour nous. Kwetu sisi njo yote kwetu. Il n'y a rien qui dépasse la parole. Hakuna kitu kingine kia kushindia neno. Il y a une chose qui a beaucoup d'importance. Kama kuku kitu kia mafaa kabisa. Sur cette parole, mpa yuli hai neno. Sur cette terre, manake hapa pa dunia. Pour nous les enfants de Dieu, kwetu sisi watoto wa Mungu. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Écoutez comment est-ce que Moïse est en train d'exhorter le peuple d'Israël. C'est dans Deutéronome chapitre 32. Nous lisons ceci. Deutéronome chapitre 32. Commençons à son verset 45. Ça c'est Moïse qui est en train d'exhorter le peuple d'Israël. Et cette exhortation est valable ce soir pour nous. Lorsque Moïse y achevait de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, wakati ile Musa alimaliza kutangaza hii misemo mbele ya Israeli mzima, akawaambia, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui. Mchunge mumoyo wenu hii maneno yote na milapia leo. De recommander à vos enfants, ya kwamba muamuru batoto enu, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Ili wapate kushika na kuishi neno lote la Mungu ya isheria. Écoutez maintenant verset 47. Msara makumi na saba. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Kwani kwenu mweye haina kitu yasipokuwa mafaa. C'est votre vie. Alakini njo bujima bwenu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu neno pour Mungu, un enfant de Dieu wa mutoto wa Mungu, n'est pas une chose sans importance. Haina kitu ya sipo mafa. C'est la vie pour nous. Ni bujima kwetu. C'est la force. Ni nguvu. Notre sainteté utakatifu wetu vient de la parole. Inatokea kuneno. Mais parfois nous faisons le contraire. Zingine, tunafanyaka kinyume. Parfois nous prenons la parole de Dieu avec beaucoup de légèreté. Kila mara, tunachugua kaneno la Mungu. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas une chose sans importance. Mapendo, neno la Mungu, haina kitu pour nous c'est la vie. Kwetu sisi ndio uzima. Nos réunions que nous faisons chaque soir fait partie de notre vie. Frère Franck nous dit que les réunions sont une partie de la vie de tout vrai enfant de Dieu ce soir. Amen. La parole de Dieu fait une partie de notre vie. On ne doit pas vivre sur cette terre sans la parole. Sans Dieu. S'il y a des gens qui vivent sans Dieu, nous, on ne doit pas vivre sans Dieu. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas réussir vivre sans la parole. C'est la vie pour nous. Mais parfois nous faisons le contraire. Vous trouvez quelqu'un. Au deuil, il part. À l'enterrement, il part. Au champ, il part. Dans des visites, dans des promenades, il part. Mais quand s'il s'agit d'arriver à l'église, il dit non, frère, ces derniers temps, je suis malade. C'est-à-dire, lui, il peut partir partout, sauf seulement à l'église où il est malade. C'est-à-dire, pour lui, la parole de Dieu n'a pas d'importance. Or, c'est à l'église qu'il devrait venir étant malade. Parce que même la guérison est dans cette parole. Bien-aimé, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Pas venir chez Dieu sans la foi. C'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Notre Dieu, c'est un bon payeur. Il honore celui qui l'honore. Si vous voulez être honoré par Dieu, vous aussi honorez sa parole. Gardez la parole. Hébreux chapitre 11. Commençons au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il n'est pas ri plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Écoutez maintenant au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Amen. Amen. Nous devons croire que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Dans la parole, il y a une puissance. Dans cette parole, il y a la guérison. Et la parole pour nous, c'est la solution de toutes choses. La foi, c'est la victoire. La foi ne recule pas. La foi avance toujours. Bien-aimé, la foi ne regarde pas aux obstacles. Vapendwa, imani haiangalie kubizuizo. La foi ne regarde pas à l'échec. Imani haiangalie kukushindwa pana. La foi lui regarde seulement à la réussite. Imani yoye kunaangalia paka kukuweza. Amen. Amena. Avec Dieu, nous allons surmonter les obstacles. Pamoja na Mungu tutashinda vizuizo. Avec Dieu, nous allons écraser même nos adversaires. Pamoja na Mungu tutaponda hata baadui. Avec Dieu, tout est possible. Pamoja na Mungu yote inawezekana. Chez notre Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. Kwa Mungu wetu hakuna kushindwa. Chez notre Dieu, il n'y a pas un cas grave. Kwa Mungu wetu hakuna. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa yule anaamini. Regardez David. Tazameni Daudi. Devant Goliath. Mbele ya Goliath. Malgré les menaces de Goliath, hata vile Goliath David lui ne regardait pas cela. Daudi yesi kuangalia kile. Il ne tirait même pas attention à cela. Bien-aimé, Goliath pouvait dire, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Aujourd'hui, je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, je vais faire ça. Tout ça, David ne prêtait pas attention à cela. Lui pouvait dire, tu m'attaques avec talent, avec ton bouclier, avec ton javelot, mais moi je t'attaque au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est un nom grand pour nous. Nous sommes un petit peuple, mais mes frères, mes sœurs, nous avons un grand Dieu qui a toutes les solutions. Même ce soir, croyez. Toute la nature obéit à notre Seigneur. Les bêtes lui obéissent. La tempête lui obéit. Les faits lui obéissent. Même ta maladie ce soir peut obéir à l'Éternel. Les problèmes c'est la foi seulement. Alléluia. La foi change les circonstances. Notre Dieu il change les circonstances. Il change le temps. Là où les gens ont fermé, avec la foi, Dieu ouvre. Là où les gens te haïssent, avec la foi, Dieu vous aimera. Là où les gens vous maudissent, Dieu va vous bénir. Alléluia. Avec Dieu, croyez seulement que tout est possible. Même ce soir, mon frère, croyez que nous sommes enfants de Dieu. Croyez que nous avons des promesses. L'enlèvement est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, si vous marchez dans la sainteté, tous les démons vont vous craindre. Nous nous croyons cela et nous disons c'est la parole et la parole de Dieu et oui et amen. La parole de Dieu n'est pas seulement un simple amen. Non, quand la Bible nous dit que la parole de Dieu c'est oui et amen, il y a une signification pour cela. Ça signifie quoi? C'est-à-dire quand vous dites amen, vous devez aussi obéir à cet amen-là. Vivre la parole. Pas seulement amen, mais c'est oui et amen. Nous devons avoir la foi dans toute la parole de Dieu. Frère Branham nous dit, la lardeur de notre foi C'est ce qui va attirer le Seigneur à nous. Devant Dieu, Frère Franck nous dit, nous devons manifester l'empressement d'obéir à sa parole. Un enfant de Dieu ne résonne pas à la parole. On vous présente la parole. Oh frère Milashikia, qui n'est pas résonner mbele. Quel chemin t'allait t'achiver? Non, on ne doit pas raisonner. La parole de Dieu, c'est oui et amen. On ne doit pas raisonner à la parole. On ne doit pas douter à la parole. Regardez un jour l'apôtre Pierre. Le Seigneur lavait les pieds de ses disciples. Bwana alikuwa anaosha miguu ya wanafunzi wake. Il les lavait là. Alikuwa anaosha miguu. Et les essuyait avec un linge. Na kuwapanguza miguu na nguo. Mais quand c'est arrivé autour de l'apôtre Pierre, wakati turi ya Petro ilifika, l'apôtre Pierre lui dit que Seigneur, moi tu ne me laves pas. Mtume Petro akasema, Bwana mimi hautaniosha. Frère, la parole de Dieu, même si elle est moindre, c'est la parole. Neno la Mungu hata kama ni kidogo ni neno la Mungu. Croyez à cela. Uiamini. Même si elle est trop petite. Hata kama iko kidogo sana. Si c'est la parole. Kama ni neno. Croyez à cette petite parole là. Uiamini ile neno la Mungu kidogo ile. Même si pour vous la parole semble insignifiant. Hata kama kwako inaonekana sawa haina na maana. Ah frère, je bitafua nini bile binye. Est-ce que ça fera? Si c'est la parole. Kama ni neno mon la Mungu. Frère, ma sœur, croyez à cela. Ndugu na dada, uiamini. Regardez l'apôtre Pierre. Nasameni mtume Petro. Il dit Seigneur, moi tu ne me laves pas. Akamwambia Bwana mimi hautaniosha miguu. Le Seigneur lui dit non, il faut que je te lave les pieds. Bwana akamwambia pana inapashi nikuoshe miguu. L'apôtre dit non, moi tu ne me laves pas les pieds. Mtume akasema hautaniosha miguu. Le Seigneur lui dit, Bwana akamwambia Pierre, Petro, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Ça signifie quoi? C'est-à-dire on va rompre toute communication. Nous allons rompre toute communion. C'est-à-dire même l'enlèvement, tu ne seras pas là. Même au nom de l'agneau, tu ne seras pas là. En bref, tu n'auras pas de part avec moi. Et quand Pierre a dit que ça devient sérieux, c'est alors qu'il s'est laissé laver les pieds par le Seigneur. Frère, nous devons toujours obéir à la parole. Regardez maintenant cet apôtre plus tard. Il se retrouve à la pêche. Il a pêché toute la nuit. Sans attraper même un petit fretin. Et le lendemain matin, le Seigneur est venu. Il a demandé la barquette de Pierre. Après avoir terminé son travail, il a dit, toujours, au même apôtre là. Il dit Pierre, avance ton filet ici. Utupe makila yako hapa. Et l'apôtre a raisonné. Na mutume akafikili. La fois passée. Ile masiku ilipita. Ile siku ilipita. Quand j'avais résisté au Seigneur, wakati narishindanaka na Bwana, il a pris la décision de rompre communion avec moi. Alichukua mpango kukata ushirika pamoja na. Et aujourd'hui encore. Sasa leo tena. Il me dit d'avancer le filet ici. Ananiambia sasa nitupe makila hapa. Or, apparemment, kwa konekana, ici il n'y a rien. Hapa pana kitu. Mais quand même je vais parler. Ata vile nitasema. Il dit Seigneur, akamwambia Bwana, nous avons pêché toute la nuit. Tuliloba usiku mzima. Même dans des endroits où il y a plein de poissons, on n'a rien attrapé. Mais Seigneur, sur ta parole, j'agis. Alléluia. Il a obéi quand même. Et quand il a obéi, Dieu a fait des miracles. En tirant son filet, le Seigneur c'est un créateur. Même là où il n'y a rien, Dieu est capable de mettre quelque chose. Alléluia. Amen. Pierre a eu beaucoup de poissons. Petro alikamata samaki mingi. Amen. Amina. Pourquoi? Il a obéi à la parole du Seigneur. Nous aussi ce soir, si nous obéissons à sa parole, nous serons forts. Si nous obéissons à sa parole, nous serons puissants. Si nous obéissons à sa parole, nous serons un peuple saint. Regardez Samson. Tazameni Samsoni. Frère Branham nous dit, Samson n'était pas un géant homme. Samson asikwa mtu kafoko mapana. Il n'était pas costaud. Asikwa mrefu hapana. Il n'avait pas beaucoup de biceps. Asikwa na mishipa mnene kiasi gani. Mais les gens se posaient des questions. Sabatu walikuwa najiuliza. D'où lui vient la force? Nguvu yake namtokea wapi? La force lui vient en obéissant au commandement du Seigneur. Tant que Samson gardait les commandements du Seigneur, il était très fort. Pourquoi vous pouvez dire vous-même? Je serai comme tout autre homme. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'était pas comme tout le monde. Il était différent. Vous aussi, mon frère. Vous aussi, ma sœur. Si vous gardez les commandements du Seigneur, vous ne serez pas comme tout le monde. Vous serez différents. Même ce soir, ce qui nous différencie des autres personnes, c'est cette parole. Sinon, on devrait se retrouver dans des groupes de mains armées. On devrait se retrouver dans des groupes de bandits. On devrait se retrouver parmi les prostituées. Mais à cause de la parole, nous sommes différents des autres personnes. Amen. Moi, je ne peux pas accepter quelqu'un qui n'a pas encore cru, quelqu'un qui n'écoute pas la parole, il déclare, oh, ataba ne me prenda ku kanisa, ataba la twende tu pa moya. Non. Il déclare tout en disant, même c'est là qui moi, je ne dois pas avoir une vie comme quelqu'un qui n'écoute pas la parole. La parole de Dieu me fait une différence. Amen. Nous sommes différents à cause de la parole. Si comme mon frère, ma sœur, tu as une vie comme tout le monde, c'est-à-dire tu n'as jamais cru. Parce que la parole de Dieu a une force de vous transformer. Amen. Regardez maintenant Samson. Le jour où il a avoué tout son secret, il dit, coupez-moi tous les cheveux, rasez-moi ma tête, je serai comme toute autre personne. Et quand on a rasé la tête de Samson, et les Philistins étaient quelque part, et Delila pouvait crier, Samson, les Philistins sont sur toi. Il pensait qu'il va faire comme il a toujours fait. La force était partie. Nous aussi ce soir, mon frère, ma sœur, notre vertu vient de la parole. La joie du salut que nous avons vient de la parole. Notre sainteté, notre force vient de la parole. Mais si vous brisez la parole, et vous vivez une vie de péché, frère, ma sœur, si vous êtes un enfant de Dieu, le péché ne vous laissera jamais à l'aise. Le péché vous mettra mal à l'aise. Le péché vous a enlève la joie du salut. Zambi itakuondosha furaha ya wokovu. Le péché vous fait très lourde. Zambi itakufanya kuwa buzito. Même venir à l'église, atakuya kanisa. Si tu as une vie de péché, kama kuna maisha ya zambi, ça sera difficile pour toi. Itakukuia nguvu. Même dire seulement un simple amen, kusema, ça sera difficile à cause du péché. Kwa ajili ya zambi. Moi je regrette. Il y a des gens qui vivent dans le péché, mais ils sont à l'aise. Mais un véritable enfant de Dieu, le péché ne vous mettra jamais à l'aise. Parfois le péché peut vous enlever même l'appétit de manger. Pour un enfant de Dieu, le péché ne peut pas lui mettre à l'aise. S'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté, il dira que ça c'est la vérité. Amen. Amen. Et les jours que vous allez arranger, c'est alors que vous aurez la joie du cœur. Alors que la paix du cœur reviendra. C'est comme ça que Samson s'est retrouvé. Il a souffert dans la prison. Frère, vous êtes un enfant de Dieu. Vous vous retrouvez dans les mains de Satan. Il va vous faire souffrir. Il va vous faire souffrir. N'osez jamais. Dans cette voie, persévérez jusqu'à la fin. Celui qui est de Dieu ne pèche pas. Et Samson s'est retrouvé dans la prison. Samson a rijikuta mukifungo. On a commencé à proclamer la victoire de Dagon. Bakanza kutangaza ushindi ya Dagon. On a commencé à dénigrer le nom de Jéhovah. Bakanza kubeula jina ya Jéhovah. Oh Jéhovah échoué. Oh Jéhovah nashindwa. Notre Dieu Dagon a réussi. Mungu wetu Dagon anashinda. Vous voyez mon frère, ma sœur. Naona ndugu na dada. Votre conduite. Votre comportement peut faire insulter le nom de l'Éternel. Votre conduite, votre comportement peut faire injurier cette église. Votre conduite peut donner un mauvais nom de cette église. Vous dites, oh Jézabel. Jézabel, ce n'est pas un mauvais nom. Ce qui abîme ce nom ici, c'est le comportement de cette femme. Alléluia. Amen. Nous aussi, notre comportement peut donner la gloire à la parole, tout comme la honte à la parole. Peut donner la gloire à l'église, tout comme la honte à l'église. Et maintenant, on a commencé à injurier le nom de l'Éternel. Tout ça à cause de Samson qui n'a pas compris. Voyez. Et ce jour-là, on devrait se divertir. On a appelé Samson devant le temple de Dagon. Et quand Samson a vu comment est-ce qu'on est en train de proclamer la victoire de Dagon, il a regardé que tout ça, c'est dans mon compte. Tout ça, ça retombe sur moi. Il n'a pas fait l'orgueil. Il s'est humilié. Il est allé encore auprès du Seigneur. Il a crié auprès du Seigneur. Seigneur, Seigneur, encore une fois Seigneur, notre Dieu, c'est un secours qui ne manque à jamais. Un secours de chaque jour. Notre Dieu, il est un secours au temps de la détresse. Amen. Nous croyons. C'est la vérité. Si vous criez à l'Éternel, il descend. Écoutez la prière des enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 28. Commençons d'abord dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Lisons à son verset 9. Somme mustari yake ya makumi mbili. Si nous survient quelques calamités, kama kukitufikia mateso fulani, l'épée, mpanga, les jugements, ukumu, la peste, wala zoruba, ou la famine, wala njala, nous nous présenterons devant cette maison, tutasimama mbele ya inyumba, et devant toi, na mbele yako, car ton nom est dans cette maison, kwani jina lako iko mu inyumba, nous crierons, tutalalamika, à toi, tu sais de notre détresse, wako wewe mwenye kujua mateso yetu, et tu exauceras, na wewe utakubali, et tu sauveras, na utaokoa, frère, nduku, notre Dieu, c'est un Dieu de toutes les solutions. Mungu wetu ni Mungu wa majibu zote. N'importe quoi qui peut nous survenir. Aizuru nini nawezi kutufikia. Même le coronavirus. Hata inye coronavirus. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa ule anaamini. Le Dieu que nous vous prêchons, Mungu letu kuna miubiri, il est un Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Ni Mungu ule anatutunza na tuponya magonjwa yote. Il n'y a pas de maladie incurable chez notre Dieu. Akuikalake magonjwa asipo kutunza mbele ya Mungu. La même maladie, magonjwa moya moya, les autres partent bengine banaenda aux Indes pour la guérison. La même maladie, les autres partent en Suisse pour la guérison. La même maladie, toi tu es guéri ici. Qui le fait? C'est l'Éternel des armées. Croyez seulement mon frère. Avec Dieu tout est possible. Si nous arrivons quelques calamités, nous viendrons ici. Faut pas chercher des solutions ailleurs. Notre Dieu c'est déjà une solution pour toutes choses. Notre Dieu sauve. Notre Dieu guérit. Notre Dieu délivre. Parce que nous voyons ailleurs. Les gens viennent aujourd'hui. On leur tape des mouchoirs. Ils tombent. Les mêmes gens. Le lendemain. On les tape encore. Ils tombent. Même les anciens, les diacres, tout le monde, les ministres. Tout le monde tombe. Division des démons. Mais nous, si vous croyez, Dieu vous délivre de tous les démons. Nous, on n'a pas de démons. Il n'y a pas de démons qui nous ont déjà pris. Non, non, nous nous sommes déjà délivrés. Amen. À cause de la parole. Nous avons la parole qui a la puissance de nous délivrer. Parce qu'aujourd'hui nous avons des églises. Des églises de prophétie. On prophétise du matin au soir. Il n'y a pas la parole. Il n'y a que la prophétie. On prophétise à la radio. On prophétise à la télévision. Même en cours de route. Un jour, quelqu'un me trouve en cours de route. Il est en soutane. Avec une ceinture rouge. Avec un bâton à la main. Arrivé à 5 mètres. Akafika tu 5 mètres d'amimi. Commence à me doiter. Akanza unishota kidole. Je vois une étoile sur ta tête. Minaona kuna nyota pakichwa. Mais le problème qui est là. Alakini mambo ile kwako. Tu as toujours eu beaucoup d'argent. Unapataka pesa mingi sana. Mais cet argent se perd. Alakini ile pesa iko unapoteja. Je dis mensonge. Minasema unalanda. Je n'ai jamais perdu même un 100 000 francs. Misha poteza kata 100 000 francs. Kama niko na 50 minauza bunga na samaki sike utasema magote na pote. Si j'ai 50, je paye la farine. Je dis c'était mensonge. Je dirais que c'est perdu. Ah baba unirumie eko. Tutapatana kashiku ingine. Pardonne-moi, on se rencontrera un autre jour, va et moi. C'est ceux qui parlent les visiter. Je leur donne le courage là de mentir. De mentir. Sortez dans ces histoires-là. Il n'y a rien. Lâchez-nous. J'ai remarqué un frère qui ne vient pas à l'église. Mais je pose la question, mais le frère là, il est où? On dit, oh, maintenant, oh, apa, sasa. Il fréquente cette église de Ton qui est là-bas. Là, on prophétise chaque jour. On lui a prophétisé que le frère aura un grand magasin ici à Dilolo. Avec beaucoup d'argent. Je dis frère, la parole que nous prêchons, ce sont des prophéties. La parole, ce sont des prophéties. Ce sont les véritables prophéties. Le frère est allé là-bas. On prêche pour la peine d'un comme affaire, si vous voulez, on a tout habillé. Tabiri Yako. Nous cherchons là où on nous prophétise un peu là. Frère. Ndoukou. Deux semaines après, j'étais au champ. N'allez pas ma chambre. Un frère m'appelle. Ndoukou moi Kanita. Et la sœur là. Yakwamba oule dada oule. Du frère tel. Wa ndoukou fulani. Est décédé. Anakufa. J'ai pris la moto, je viens. Effectivement, la sœur est morte. On a enterré la sœur. Deux mois après, on m'appelle encore. Et le frère aussi est décédé. Maman, mais maintenant, les prophéties là. De faire des magasins. Ça sera au cimetière. Et les gens continuent toujours à venir suivre des mensonges. Les messages ce soir. Sortez mon peuple d'humilité. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je serai votre Dieu. Et vous serez mes enfants. Mes fils et mes filles. Vive le Seigneur Tout-Puissant. Aimez seulement la parole. Chérissez la parole. Embrassez la parole. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne déçoit personne. Vous pouvez servir le diable. Vous lui obéissez. Vous faites l'ambiance. Vous faites n'importe quoi. Au nom de Satan. Mais les jours qu'il doit te payer, la honte. Les jours qu'il doit te payer, la mort. Les jours qu'il doit te payer, l'ignominie. Mais notre Dieu, si tu lui obéissais, si tu le servais, si tu le louais, à la fin, vous avez la vie éternelle. À la fin, vous avez le Saint-Esprit. Et l'enlèvement t'attend. Les noces de l'agneau t'attend. Et un jour, le Seigneur vous fera entrer dans l'éternité. Si vous croyez, si vous gardez la parole, le Seigneur honore ce qu'il honore. Si vous voulez être honoré par Dieu, mon frère, ma sœur, honorez aussi la parole. Nous tendons à la fin. Des Chroniques chapitre 15. Des Chroniques chapitre 15. Mambo ya siku ya pili sura 15. La Bible nous dit ceci au premier verset. Biblia inatuambia mstari ya kwanza. L'Esprit de Dieu fit Azaria fils d'Obed. Et Azaria là au devant d'Asa. Et lui dit, écoute-moi Asa. Et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Première Chronique, chapitre 28. Mambo ya siku ya kwanza sura makumi mbili na munani. Lisons au verset 9. Musari ya tisa. Ça c'est le conseil du roi David à son fils Salomon. Nishauri ya mfalme Daudi kwa mtoto. Aujourd'hui, ce même conseil est pour nous. Leo ishauri ni yetu sisi. Et toi Salomon mon fils. Na we Salomon mwana wangu. Connais les yeux de ton père. Umujue Mungu wa baba yako. Et serre-le d'un cœur dévoué. Pata umutumikia na moyo wa kujitoa. Et d'une âme bien disposée. Na nafsi yenye kwa tayari. Car l'Éternel sonde tout le cœur. Na ni wa milele na pima mioyo yote. Et pénètre tous les desseins. Na naingia mapu yote. Et toutes les pensées. Na mawazo yote. Si tu le cherchais. Na mwa kimutafuta. Il te laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Si tu abandonnes la parole, Dieu aussi t'abandonne. Si tu t'approches de Dieu, Dieu aussi s'approche de toi. Si recule, Dieu aussi recule. Amen. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester toujours l'amour envers notre Seigneur. Dieu aide celui qui veut que Dieu l'aide. Dieu délivre celui qui demande la délivrance. Dieu sauve celui qui veut le salut. Dieu guérit celui qui aime que Dieu puisse le guérir. Nous devons manifester les besoins à notre Seigneur. Amen. Je termine par ceci. Regardez ce paralytique ici. Il était à la piscine de Bethsaida. L'ange descendait. Il agissait de l'eau. Et les malades qui se jetaient les premiers, il recevait la guérison. L'ange descendait. Il agitait de l'eau. Les malades qui se jetaient les premiers recevaient la guérison. Mais quand le Seigneur est venu, il a trouvé le paralytique assis là-bas. Il lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Regardez les besoins de ces paralytiques. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Chaque fois que j'ose me lever, il y a quelqu'un qui me préfère. Chaque fois que l'ange descend, il agite de l'eau. Si j'ose me lever, il y a quelqu'un qui me préfère. Mais moi, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Et quand le Seigneur a vu ces besoins-là, il a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Dieu aide celui qui veut que Dieu puisse l'aider. Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, nous croyons que parmi nous, nous avons un Dieu vivant. Nous croyons que notre Dieu, il est capable de tout. Nous croyons que notre Dieu, il change les circonstances et les temps. Alléluia. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse beaucoup. Mettons-nous debout pour la prière. Yesu ni fura yangu. Amen.